cuando no se muerde, cuando la luz se muerde, cuando no se muerde, cuando la luz se muerde. Entre nous c'est mort, entre nous c'est mort. Non je ne ferai pas d'effort, et je n'ai même plus les mots. Entre nous c'est mort, entre nous c'est mort. Je ne remonterai pas le temps, non je ne ferai pas d'effort. Entre nous c'est mort. Le faux pour obtenir ce que je veux. Et comme tous les mecs, tu mens à l'hameçon. Tu remercieras ton téléphone et toutes ces filles avec des noms de garçons. Entre nous, c'est mort. Pour dire la vérité, je suis même pas fâché. À vrai dire, tu fais pitié. Fais-toi soigner. Je repars avec classe. Et toi, tu resteras un chien de la casse. Encore une fois, t'as tout fait foirer. Tu viens de perdre ton joli bébé. Entre nous, c'est mort. C'est mort. Non, je ne ferai pas d'effort, et je n'ai même plus les mots. Entre nous, c'est mort. Entre nous, c'est mort. Je ne remonterai pas le temps. Non, je ne ferai pas d'effort. Entre nous, c'est mort. Entre nous, c'est mort. Entre nous, c'est mort. Entre nous, c'est mort. T'apprécies particulièrement mes copines. Je t'ai vu regarder les fesses d'Elodie. Monsieur a beaucoup de vices, il me dira qu'il regardait déjà par ici. Entre nous c'est mort, tu m'as regardé dans les yeux, t'as menti. T'as saccagé tout ce qu'on a bâti. Entre nous c'est mort, je ne ferai plus d'efforts. Je ne remonterai pas le temps. C'est mort, c'est mort. Entre nous c'est mort, entre nous c'est mort. Non je ne ferai pas d'efforts. Et je n'ai même plus les mots. Entre nous c'est mort. Entre nous c'est mort. Je ne remonterai pas le temps. Non je ne ferai pas d'effort. Entre nous c'est mort. Entre nous c'est mort. Entre nous c'est mort. Entre nous c'est mort. La muerte. Se muerte.